Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit, voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous allons vous demander de payer pour l'écouter. Et oui, la radio n'est pas forcément gratuite, vous ne le saviez pas encore, mais dans le cadre de cette émission, vous allez devoir nous envoyer un chèque, une adresse qu'on vous donnera en fin d'émission, parce qu'il faut bien rémunérer quand même les personnes qui parlent dans l'émission. On ne fait pas les bénévoles, voilà. Donc sachez qu'en écoutant cette émission, vous êtes redevable auprès de la SACEM également, de tout un ensemble d'organismes qui vous attendent au tournant. Non, on plaisante bien sûr, mais cette émission est gratuite, mais c'est l'occasion de réfléchir sur la question de l'art gratuit. Jusqu'où peut aller l'art en tant que... dans cette forme d'échange? Jusqu'où peut aller l'art peut-être aussi en tant que forme d'échange payante, jusqu'où on peut le faire payer. Donc, pour en parler aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Cariou. Oui, bonjour. Qui a créé la compagnie Tout Court. Donc, qui fait une compagnie dont tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement. Ouais. Et avec Denis, alias... Salut, bonjour. Mushotoku, c'est ça, je ouais, dis. Ouais. Donc, qui est musicien, on pourrait dire bénévole. Oui, enfin, exactement. Voilà. Donc, l'occasion, voilà, d'aborder c'est la question de la gratuité dans l'art. Je vais commencer par une citation pour introduire le sujet. Alors, c'est une citation de Michel de Certeau. De tirer de son ouvrage La prise de parole et autres écrits politiques qui est publié au Seuil. Donc une citation de Michel de Certeau qui, on va dire, a écrit beaucoup de textes autour de la marchandisation, notamment pendant la période des années 68, hein, pour aller les années 70, après 68, on va dire. Alors, un système devient problématique... Et il ne suffit pas de le croire ou changer ou justifier avec des mots. C'est un système d'échange quantitatif entre objets créés par un savoir, une connaissance, finalement une production, ou posséder grâce à lui, à un statut social, des biens, finalement une consommation. Il mue en rapport de pouvoir les relations humaines en échange d'objets. La réciprocité créatrice... des sujets. Voilà, bon, alors, je vais commencer par une citation un peu... qu'on comprend pas forcément très quoi, bien. J'ai rien compris. Ouais, tu veux dire quoi, là, par là? Vas-y, exprime-toi. Non, alors, je crois que ce qu'il a voulu dire, hein, donc, c'est, en gros, que le problème, on va dire, donc, en quoi un système peut devenir problématique, c'est quand la parole, par exemple, donc, à travers ça, l'art étant une forme de parole, va se transformer en marchandise. Voilà, c'est ça un peu le thème qu'il essaie de développer. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'art... c'est un peu compliqué, parce que l'art gratuit, je sais... Je sais pas trop, sincèrement. J'ai un peu de mal à éclaircir le sujet à ce niveau-là. En fait, ce qu'il s'agit de dire, c'est comment l'artiste peut vivre de son art. C'est-à-dire comment survivre, vivre de son art. Oui, c'est peut-être plus simple. Ouais, parce qu'une œuvre d'art, bon, la finalité, c'est ça. Après, le moyen d'expression, enfin, l'expression, elle passe par des supports, des disques, des diffusions, des concerts, etc. Donc, tout ça, ça a un coût et quelque part, là rentre la marchandisation, quoi. Et puis, l'artiste, qu'est-ce qu'il est ? C'est d'abord un artisan. C'est quelqu'un qui va travailler avec sa main, avec ses mains, avec sa voix. Il va construire quelque chose et il va espérer en échange, en fait, de quoi pouvoir manger, tout simplement, en fait. Donc, d'accord. Automatiquement, quand tu fabriques quelque chose, si tu fais du pain, tu vas essayer de le vendre. Si tu chantes, tu vas essayer de vendre ta chanson. Quoi qu'il arrive, gagner ton pognon. Dans ce que tu dis, j'entends bien, enfin, c'est un argument qui revient souvent, mais dans quelle mesure on ne peut pas considérer qu'il y a une sorte de spécificité dans l'art, dans l'activité artistique en général, qui fait qu'on serait sur quelque chose qui est pas du même ressort, tu vois, qui serait inhérent, on va dire, à, un peu comme si on te demandait, tu vois. Là, on est en train de parler. On va pas se demander, tu vois, de s'échanger. On va pas faire rentrer ça dans un cadre marchand. Non. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de problématique, justement, peut-être dans une sorte d'invasion, une colonisation générale du marché, dans des activités qui ressortent pas de l'activité marchande. J'ai l'impression qu'en France, on s'est posé la question. Et on en est arrivé à lancer un système d'entraide, l'intermittence, en fait. Mais l'intermittence qui, lui, date pas des années 80 de Jacques Lang, c'est une reprise de Jacques Lang par un système qui existait depuis les années 40, qui a été un système de solidarité au niveau du cinéma, en fait, en France, pendant les années 40. Et ça a été repris après, dans les années 80, en se disant, on peut soutenir les artistes d'une autre manière, en fait, et là c'est intéressant, ça leur permet. Moi je suis intermittent, je fais des spectacles. Et comment tu fais pour comment tu fais pour en vivre précisément? J'essaye de vendre des spectacles, mais j'ai une rémunération. Je dois faire 45 dates par an. Si je les obtiens, j'ai pendant un an un soutien journalier, en fait. Et chaque fois que je travaille pas, je touche ce soutien journalier. Mais c'est ce qui me permet de répéter, c'est ce qui me permet de préparer les spectacles, de créer des nouveaux spectacles sans être à la rue. Et ça, c'est super important, en fait. C'est ce qui permet de jouer gratuitement aussi, en fait, d'aller jouer dans des endroits où tu n'es pas forcément payé si jamais tu... D'accord, donc on peut dire que on serait un peu sur une forme de service public, entre guillemets, décentralisé, au sens où, il n'y aurait pas vraiment de contrôle sur l'art en question. Alors ça, je sais pas, peut-être que Denis, tu vas avoir un point de vue un peu différent. Pour moi, l'intermittence, c'était fait surtout au début pour les techs, quoi. C'est-à-dire toutes les équipes techniques qui sont beaucoup plus de tech, tout ce qui peut être dans le théâtre, le cinéma, etc. Les équipes techniques qui tournent pas tout le temps, qui ont pas toujours du boulot, donc qui ont besoin d'avoir une vie, Après, ça s'est propagé. En même temps, ça s'est fait, disons, sur les acteurs proprement dit, qui avaient besoin de donner des cours ou de répondre à une certaine action publique auprès de l'État pour justifier d'une appartenance à l'intermittence, quoi. Chacun trouve. Moi, j'ai connu l'intermittence. Dans les années 90, les années très jeunes, 90. Et c'était un peu compliqué parce qu'en échange de l'intermittence, moi c'était sur Lyon, dans le théâtre subventionné, on ne pouvait plus faire vraiment ce qu'on voulait, on ne pouvait plus proposer les pièces qu'on voulait, les auteurs qu'on voulait, et que ça devenait un petit peu subversif. On sentait qu'au niveau de la direction des affaires culturelles, ça coinçait, quoi. Et sous quelle forme ça, tu ressentais cette contrainte, on va dire, cette forme de... La contrainte, c'était la... Et puis même au niveau de Pôle emploi, au niveau des... Enfin, ça s'appelait pas... Ça s'appelait l'ANPE du spectacle à l'époque. Oui, oui. Donc ça pour les jeunes qui nous écoutent. Un petit groupe auquel il fallait appartenir pour faire de la figuration dans des films, etc., qui se tournaient sur Lyon, évidemment, quoi. Et nous, on avait inventé un système différent, c'est-à-dire qu'on n'était pas subventionné et qu'on se finançait nous-mêmes en allant chercher auprès des particuliers, auprès des privés, des aides du mécénat, sous forme de pub. Et nos spectacles, qui étaient dans des grandes salles, on jouait devant 500, 1000 personnes, hein, quand même. Donc, je pense au Théâtre de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent Lyon, quoi. Qui s'appelait à l'époque la Maison de la Danse. On faisait des dates et on se payait sur des encarts de programmes. Donc les programmes étaient diffusés avec le prix du billet, bien sûr. Et dedans apparaissaient tous les commerçants un petit peu. Et nous, on démarchait comme ça. En même temps, on était semi-professionnels parce qu'on travaillait en même temps, quoi. Donc on travaillait la journée, on affichait la nuit, on répétait en permanence. Essayer de faire 5-6 pièces par an. Ça nous permettait de jouer du Camus, du Sartre, du Beckett, etc. Chose qui ne se faisait pas forcément. Les gens cherchaient dans le théâtre une forme de divertissement aussi, qui n'était pas sans prise d'opinion politique ou philosophique. Et je veux dire que parallèlement, il y a aussi le RMI, le RSA, qui concerne beaucoup d'artistes, finalement, quoi. C'est certain. Voilà, quoi. Est-ce que ça peut pas être une piste justement pour, on va dire, sortir l'art de ce format marchandise, hein. Bon, je reprends En France, il y a ce truc, c'est-à-dire que bon, si tu es un artiste, un créateur, tu as besoin de temps, t'es pas forcément inséré au système ou t'as pas envie, t'es hors système, on va le dire carrément, quoi. Par ta recherche, par ta création, donc le RSA ou le RMI, passe. Hein, beaucoup, beaucoup d'artistes sont RMI. Quoi. D'autres travaillent aussi. Hein, pourquoi, voilà, quoi. Ouais. Ou après, je sais pas, bon, ce qu'on voit, enfin, en tout cas, ce que je vois dans le milieu de la musique, on va dire, c'est qu'il y a quand même aussi énormément de musiciens amateurs qui font de la musique sans en attendre une rémunération. Alors, qui vont poser sur des plateformes. Là, la musique qu'on va écouter, bon, après, je ne veux pas dire de bêtises, mais bien souvent, c'est, on va dire, c'est des musiciens qui aiment tout simplement faire de la musique, parce que c'est quand même quelque chose d'agréable, qui ont envie de montrer leur musique à un moment donné. Et j'ai envie de dire, presque, ça suffit à créer un environnement musical. Je dirais peut-être que après il n'y a pas une même technicité, une même exigence de créativité. Mais est-ce que vraiment on a besoin de cette exigence? Est-ce qu'on est vraiment est-ce que c'est pas justement la marchandisation de l'art qui fait qu'on serait... Alors je dis l'art au sens large. Hein, là on parle, je précise, on parle de l'art, l'expression artistique sous toutes ses formes. Alors, là, on va pas rentrer dans le débat parce que sinon on va... Voilà, tu veux partir sur l'esthétisme presque. Ouais, on va. Voilà, c'est. Là, c'est un peu ça irait trop loin, quoi. C'est un vaste sujet. Ouais, ouais. Mais disons, c'est comment. Pourquoi pas aussi revenir à des réseaux de personnes qui vont. Tous ces réseaux existent. Moi, ouais, ces réseaux existent d'ailleurs. Si tu prends SoundCloud, par exemple, hein, moi je sais que je suis sur SoundCloud. Par exemple. Tu peux créer, tu peux t'auto-créer, faire un CD, tu le mets sur SoundCloud, en encart si tu veux, sur ton profil, et tu peux proposer un prix libre ou un prix, disons, le CD, ou un prix libre avec, tu vois. Donc tu diffuses ta musique gratuitement ou libre d'accès, libre de téléchargement. Ouais. Et celui qui veut un support en plus pour te soutenir simplement, pour, hein, parce qu'il veut un CD, il veut une belle photo, un feuillet dedans, hein, tu vois, un objet qui va te soutenir. Voilà, il y a ce moyen. Quoi, ouais, ouais. Vrai, bah, c'est-à-dire que chose là, on est sur des avant, formes de rémunération qui relèvent plus de l'économie du don. Hein, que du soutien, ouais, je, ouais, dire, du, ouais, ouais. Du, enfin, du, je préfère du dire soutien, soutien ouais. Oui, oui, voilà, ouais, c'est... Ouais. Mais qui effectivement s'avère fonctionnel, enfin, fonctionnel ou pas. Enfin, l'intérêt, c'est quand, ouais, quand tu es artiste, quand ouais, même, tu as besoin de créer. Sinon, alors, enfin, pourquoi je dis ça fonctionnel, parce que si on regarde les choses concrètement, je pense que pour un musicien qui tente, on va dire, une carrière musicale et qui n'atteint pas une popularité énorme, il peut pas concrètement en faire son activité principale. Enfin, ouais, il faut regarder les choses concrètement. Hein. Enfin, j'en ai pas connu. Un musicien, non, ouais, c'est impossible. À moins de, ouais, donner des cours, ou, voilà. Quoi. Oui, voilà. Ouais, bon, après, voilà. Bon, c'est musicien, donc tu donnes des cours. Tu retombes un peu dans les mêmes logiques. Ou alors, tu pars dans un fourgon et tu fais des concerts à droite à gauche. Attendez, voilà. Quoi. Oui, mais même. Hein, à, ouais, l'arrache, quoi. Ouais, tu fais la rue, non, aussi. Moi je... hein, ouais, tu... ouais, ouais, ouais, voilà, bien sûr. Bon. J'avais beaucoup d'amis qui faisaient ça, hein, ils n'en vivaient pas, ils avaient le RSA à côté. Ah. Ouais. Moi, j'ai beaucoup... Ouais. Enfin, j'ai fait la rue, à l'étranger, on va dire. Mais le musicien ou l'artiste est dans la rue et autrement considéré qu'en France, où là, tu es pris comme un clochard, presque. Ah, bah oui, alors, ouais, qu'ailleurs, tu vis carrément. Il y a, y a des spectacles de rue en permanence et les gens s'arrêtent... Voilà. C'est ça, retrouver une forme de liberté d'expression. Alors, tu roules pas sur l'or, mais tu survis, tu colloques. T'es pas. Tu vois. Bon, on va s'écouter un morceau du coup de musique libre, hein, qui s'appelle Agression. Voilà, l'album et l'artiste. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas. C'est pas agressif. C'est pas agressif. C'est parti. Et nous voilà de retour sur Radio Balade. Bon, je parle doucement parce qu'après ce morceau, on plane un peu. Et on est de retour dans l'émission Entrée sans payer, où on se pose la question, mais pourquoi l'art est-il payant ? Pourquoi, sous-entendu, pourquoi n'est-il pas gratuit ? Quand on parle de l'art, on parle de l'art au sens large. Peut-être la question peut sembler un peu provocatrice, mais je vais vous lire une citation de l'international situationniste, donc dans leur manifeste, qui avait été publié le 17 mai 1960, et qui permettra de mesurer un peu à quel point ces questions finalement ne sont pas si récentes, si neuves, quoi. Alors, contre le spectacle, la culture situationniste réalisée introduit la participation totale. Contre l'art conservé, c'est une organisation du moment vécu directement. Contre l'art parcellaire, elle sera une pratique globale, portant à la fois sur tous les éléments employables. Elle tend naturellement à une production collective et sans doute anonyme, au moins dans la mesure où les œuvres n'étant pas stockées en marchandises, cette culture ne sera pas dominée par le besoin de laisser des traces. Contre l'art unilatéral, la culture situationniste sera un art du dialogue, un art de l'interaction. Les artistes, avec toute la culture visible, en sont venus à être entièrement séparés de la société, comme ils sont séparés entre eux par la concurrence. Mais avant même cette impasse du capitalisme, l'art était essentiellement unilatéral, sans réponse. Il dépassera cette ère close de son primitivisme pour une communication complète. Tout le monde, devenant artiste à un stade supérieur, c'est-à-dire inséparablement producteur-consommateur d'une création culturelle totale, on assistera à la dissolution rapide du critère linéaire de nouveauté. Nous inaugurons maintenant ce qui sera historiquement le dernier des métiers, le rôle de situationniste, d'amateur professionnel, d'anti-spécialiste, est encore une spécialisation jusqu'au moment d'abondance économique et mentale où tout le monde deviendra artiste, à un sens que les artistes n'ont pas atteint, la construction de leur propre vie. Ouais, c'est un idéal, ça, où tout le monde, il propose à tout le monde d'être un artiste. Ça, c'est un peu une question. Tout à fait, hein. Il y en a qui sont faits pour être artistes, d'autres qui sont faits pour être boulangers, tu peux rien. D'autres qui adorent, chacun. Et pourtant, il y a des boulangers qui sont artistes. Et bien sûr. Et alors, est-ce que justement, on n'est pas là dans une conception un peu de la division du travail, tu vois, qui est produite par le capitalisme, hein. Enfin, c'est ce que suggèrent les situationnistes. Ou alors on met sur un piédestal l'artiste, alors que c'est juste un artisan. Finalement, c'est un artisan qui fait bien son métier, comme le boulanger qui est peut-être un artiste, mais non, finalement c'est un bon artisan, comme un boucher. D'accord. Ouais, mais je pense que la différence entre un artiste et un artisan, c'est que l'artisan, lui, il est capable de reproduire chaque fois la même chose, si tu veux. Et l'artiste, quelque part, l'artiste aussi. Oui, mais l'artiste, il agit plus sur l'accident. Il n'y a pas 50 000 Jocondes, ni 50 000... tu vois ce que... Il y a toujours une part d'imprévu dans l'artiste. Ouais, mais l'artisan, lui, est capable de reproduire la même chose des milliards de fois tous les jours, comme le pain, comme... Boulanger va faire toujours le même pain, même s'il est un petit peu différent. L'artiste, lui, crée sur un truc unique, quelque part. Comme dans le théâtre, chaque spectacle est différent, parce que, voilà, quoi, tu vois, chaque moment est différent, chaque tableau est différent. Est-ce que ça, c'est pas plutôt un choix, quelque part, en termes de contenu, tu vois, de qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton art ? Est-ce que, tu peux être un interprète en jouant dans la musique classique, hein, ou même tu vois des personnes qui font qui jouent du Johnny Hallyday là, qui essayent de reproduire au millimètre. Ah, enfin, je vais pas faire la pub pour Johnny Hallyday, mais oui. Non, mais je préfère que tu restes sur le classique, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est tous tes choix, tous tes choix personnels. T'as envie que, penchant naturel, quoi. Prédisposition aussi. Quelqu'un qui... Un musicien classique sort du conservatoire, bien sûr qu'il peut créer, il pourrait écrire, il peut être aussi compositeur, si tu veux. Mais il va choisir d'être interprète. Et c'est magique dans la musique classique d'être interprète, parce que tu donnes toute ton intériorité, tout ton cheminement intellectuel, de vie dans ton interprétation, toutes tes émotions. Oui. Et après, monter sur scène, c'est s'exprimer, c'est faire de la politique, c'est lancer une idée, c'est faire partager une idée. Nous, en tant que compagnie de théâtre, enfin, travaillant dans une compagnie de théâtre, on aime beaucoup cette notion de gratuité, de chapeau, aujourd'hui. Oui. En fait, moi, mon rêve, aujourd'hui, ce serait de trouver un mécène qui me permette de parcourir le monde en allant jouer dans toutes les villes, voilà, possible et imaginable, mais dans les quartiers pauvres, vraiment pour rendre accessible le théâtre à tous. Il faut savoir, en France, 85% des gens, des Français, ne vont pas au théâtre. Il n'y a que 15% des gens qui vont au théâtre. Et sur les 15%, on se rend compte que, en fait, du coup, le théâtre, il est vraiment mis de côté. C'est vraiment pour une élite, en fait, théâtre. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je vais paraître encore un peu provocateur, mais un côté différenciation culturelle, tu vois, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, par exemple, un auteur que je crois que c'est Baudrillard qui appelle la valeur signe de ce que tu consommes. C'est-à-dire que tu vas consommer un produit culturel de type théâtre, parce qu'on va dire ça renvoie à une valeur à travers ce que tu consommes qui est plus celle de quelqu'un qui a du goût, qui a du fric, tout simplement. Ou qui a du fric, voilà. C'est juste qu'il a du fric. Comme l'art contemporain, on va dire. C'est un truc d'entre-soi, ça, finalement. Tu vas au théâtre parce que tes parents allaient au théâtre, parce que tu as une culture, en fait. Tu as accès aussi à cette culture grâce à tes origines, en fait. Oui. Et là, c'est voilà. Finalement, tu quand tu vas au théâtre, que tu vois tous les gens que t'as en face de toi, t'as l'impression que c'est les mêmes, quoi, en fait, dans tous les théâtres. Et c'est que des cheveux gris, des gens qui ont des moyens d'y aller, quoi, en fait. Donc, c'est une élite. D'accord. Mais là, est-ce que justement, on n'est pas sur des formes marchandisées de théâtre? Qui vont, tu vois, et est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'on parle du contenu, et aussi de la façon dont on échange avec le public, est-ce qu'il n'y a pas une piste à explorer, tu vois, pour revenir à un art qui serait plus en symbiose, tu vois, pas forcément, oui, ou pourquoi pas en symbiose, mais accroché, on va dire, à quelque chose de plus populaire, tu vois. Mais je crois qu'il existe déjà, en fait, il n'y a pas besoin de chercher, il y a de l'art pour les riches, il y a de l'art pour les pauvres, Mais tu considères un peu que le théâtre n'arrive pas à être une forme d'art pour les pauvres, populaire, on va dire, ou... Ah, il pourrait l'être, mais encore faut-il qu'il ouvre ses portes, en fait. Tu vois, que ce soit, ok, séance gratuite, plutôt que, voilà, dans les grands théâtres, eh ben, tu réserves ça à des quartiers populaires, ou alors c'est les théâtres qui vont jouer dans les quartiers populaires. Et là, ça devient intéressant. Mais quand, tant que ça reste un entre-soi, ou c'est un théâtre mignon comme tout, qui plaît à l'élite, du coup, l'élite vient le voir et se faire plaisir, et puis, oh, c'est formidable. Oui, bon, ok. C'est là que les scènes nationales, elles sont c'est comme ça, quoi, en fait. C'est basé là-dessus. C'est assez incroyable. En France, les scènes nationales, il y en a partout en France, mais elles sont toutes dirigées par l'État. Ah oui. Elles sont dirigées par l'État. C'est intéressant de le savoir. Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas, il l'ignore. Hein, alors qu'à Paris, le théâtre, il est majoritairement privé. D'accord. Et c'est un peu, il y a un contraste assez surprenant, en fait. Ça, on le sait pas forcément, quoi, en fait. Et puis après, ben, en province, il y a bien sûr, il y a plein de théâtres soit amateur, soit de compagnie privée qui travaille d'une autre manière, en fait. Mais de toute façon, il y a la place pour tous. Ouais. Il y a le théâtre pour les élites qui existe, qui est là, qui est en place, qui est subventionné, qui est soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on joue par curiosité dans ce genre de théâtre Est-ce que c'est des choses qui sont difficilement accessibles, tu vois? Non, c'est assez simple. C'est des gens qui sont allés... Aujourd'hui, on a fait des écoles. Donc, on a des écoles de théâtre avec des gens qui sortent des grandes écoles de théâtre. Et puis, ben, tout de suite, elles sont repérées par les théâtres, les scènes nationales. Du coup, elles sont tout de suite aidées. Et puis, ben, ça devient un réseau, quoi, en fait. Il y a énormément de copinage à ce niveau-là, quoi. C'est assez incroyable. Soit tu es dans le réseau et c'est formidable, tu es issu de grandes écoles, c'est école de comédien, de mise en scène, machin. Mmh. Et là, tu as toutes les portes qui s'ouvrent. Ou soit tu viens d'un ailleurs, tu t'es construit toi-même, ce qui nous est arrivé, nous, pour la compagnie tout court. On s'est créé, c'est un duo, en fait. Et on a développé notre travail Comment ça vous est venu? Est-ce que vous étiez déjà dans le théâtre ou c'est... Oui. Ouais. Mais différemment. Je travaillais pour des grosses compagnies de théâtre. D'accord. Où j'étais plus technicien et Fabienne, elle faisait du théâtre depuis l'âge de 10 ans avec son papa qui avait une troupe de théâtre amateur. D'accord. Donc voilà, elle n'a jamais oublié le théâtre. Et puis un jour, on s'est rencontrés. Et puis on s'est dit que... voilà, moi, je partais 3 mois en tournée chaque année. Et c'était difficilement intéressant pour créer une famille. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait on monte notre compagnie. Puis on fait du spectacle. Puis on a fait un spectacle... Il y a 12 ans, les deux peintres. Et on tourne toujours, d'ailleurs. C'est un spectacle qu'on a joué plus de 150 fois aujourd'hui. Et puis, peu à peu, voilà, on a développé notre théâtre. On a appris notre métier aussi auprès de professionnels, de maîtres, des maîtres de mime, parce qu'on faisait du mime. C'est du mime. Soit du mime, de la marionnette, de l'ombre chinoise, quoi, en fait. D'accord. Mais chaque fois, on est allé se former auprès de maîtres. Nous, on appelle ça des maîtres, parce que c'est des gens qui ont de la connaissance et qui nous font avancer, quoi, en fait, qui nous ont fait avancer énormément, quoi, en fait. Et ce qui nous permet d'arriver aujourd'hui, faire un peu ce qu'on veut et se faire plaisir aujourd'hui, c'est aller jouer n'importe où. Quand on peut jouer gratuitement, ouais, c'est en 2020 pendant le Covid, à un moment le gouvernement a soutenu les actions pendant l'été 2020, des actions culturelles. Et du coup, nous, on a tout de suite branché, il fallait faire une demande de subvention. Du coup, on s'est dit, mais on va aller à Valence, on va aller jouer dans les quartiers chauds de Valence, à Font-Barlette, un quartier un peu difficile, parce qu'abandonné. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va aller jouer là-bas. On a appelé la Maison pour tous, là-bas, locale, en leur disant, l'État nous aide à venir jouer. Je pense que vous en avez besoin. Ça vous dit, on vient jouer chez vous gratuitement. Bien sûr, j'étais super content. Ça a été des jeux pas faciles. Mais en même temps, c'était riche. On sentait que j'en avais besoin, quoi, en fait. Et c'est ce qui nous plaît, c'est d'aller jouer dans des endroits où tu sens qu'ils en ont besoin, qu'ils viennent te dire « merci, ça fait du bien ». D'accord. Du bien. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une certaine inégalité, on va dire, en termes d'accès L'inégalité, elle est devant nous. Il suffit d'avoir des lunettes et tu regardes la vie comment elle est, et tu vois bien qu'elle est inégale, quoi, en fait. Bien sûr. Ouais. Tu regardes dans la rue, là, je ne sais pas. Alors après, est-ce que des... je vois les jeunes aujourd'hui sont vachement branchés sur les réseaux sociaux, et ça reste quand même un espace d'expression artistique quoi qu'on en dise, hein, je veux dire. Ah ouais, est-ce que ces nouvelles formes-là, grâce à Internet, qui est quand même plutôt facile d'accès, même s'il peut y avoir la fracture numérique, mais est-ce que ça remet pas un peu en cause ce manque ? Voilà, je lance un autre débat, mais ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a encore vraiment cette situation de manque, tu vois, au niveau culturel ? Enfin, je sais pas, mais à mon avis, il y a surtout un problème au niveau de l'éducation. D'accord. Dans le sens éducation populaire, c'est-à-dire permettre aux gens d'acquérir la connaissance, mais les aider. Aujourd'hui, on fait pas de l'éducation à l'école. On en fait des moutons, mais on en fait pas des êtres capables de penser eux-mêmes, de s'ouvrir, de s'intéresser. Pourquoi il n'y a pas de cours de politique au lycée pour comprendre, tu vois ? Pourquoi on laisse les gens dans l'ignorance, quoi, en fait, quoi, de l'économie, quand on parle de l'inflation, ah non, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, il y a juste quelques mecs qui sont en train de te dire, tiens, je vais me faire du pognon sur le monde, et ils sont... Enfin bon, là je déborde, mais non, non, voilà, il n'y a pas... Bah, il faudrait pas... Enfin, la citation, d'ailleurs, c'est peut-être utopique, mais c'est aussi... à une époque où on reliait fortement l'art et la politique, c'était deux choses et pas seulement, j'ai envie de dire, sur le contenu. Enfin, je prends un exemple, mais d'un groupe de mon époque, mais Rage Against the Machine, ouais, qui avait un discours très très critique sur le capitalisme, et qui en même temps était quand même dans une forme vraiment insérée dans une forme de capitalisme culturel. Donc là, ce que je veux dire, c'est il y a dans le programme situationniste un peu une réflexion aussi sur la façon dont on échange sur la politique et l'art qui va un peu plus loin, enfin qui va nettement plus loin, quoi. Que voilà. Parce que, bon, on va continuer le débat, mais d'abord on s'écoute un petit morceau de musique qui du groupe Sinusoid. Et qui s'appelle Victor, donc c'est de la pop plutôt agréable. Hein. Allez, on va s'écouter ça dans un instant. Patientez le temps que je bidouille les trucs, et c'est parti. We'll be right back. Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer, où on parle aujourd'hui d'art gratuit sur Radio Balade. Alors, je reprends sur une citation d'André Gortz cette fois-ci. Une économie au-delà du travail-emploi, de l'argent et de la marchandise, fondée sur la mise en commun des résultats d'une activité comprise d'emblée comme commune, s'annonce possible. Une économie de la gratuité. C'est la fin du travail ? Au contraire, c'est la fin de la tyrannie qu'exercent les rapports de marchandise sur le travail au sens anthropologique. Celui-ci peut s'affranchir des nécessités extérieures, Marx, entre parenthèses, recouvrer son autonomie, se tourner vers la réalisation de tout ce qui n'a pas de prix, ne peut être ni acheté ni vendu, devenir ce que nous faisons parce que réellement nous désirons le faire et trouvons notre accomplissement dans l'activité elle-même autant que dans son résultat. La grande question est, que désirons-nous faire dans et de notre vie ? Il s'agit là d'une utopie concrète. Elle se situe dans le prolongement du mouvement des logiciels libres qui se comprend comme une forme germinale d'économie de la gratuité et de la mise en commun, c'est-à-dire d'un communisme. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que lui, si je me souviens bien, lui, il était pour l'intermittence, mais généralisée. C'est-à-dire que tu travailles un certain nombre de jours dans l'année et qui te permet en fait d'avoir un revenu journalier qui va après te permettre de vivre décemment sans avoir à courir après l'argent. Et ça, c'était bien, quoi. C'est l'intermittence du spectacle. Tu dois faire un certain nombre d'heures, mais du coup, ça te laisse libre le reste du temps pour pouvoir construire par toi-même ton avenir. Et c'est là que c'est intéressant. Oui, exactement. Et c'est ce que réclament aujourd'hui les jeunes générations. Moi, j'hallucine de voir les jeunes générations se permettre de refuser. Je trouve génial, quoi, en fait, de se permettre de dire, ah ben non, moi, je veux pas bosser à ce tarif-là, quoi. Ça m'intéresse pas, vous. Et claquer les portes de boulot, quoi. Parce que finalement, c'était presque l'esclavagisme, ce qu'on faisait, quoi. Et on a fermé notre gueule, et aujourd'hui, une nouvelle génération, on a dit, c'est un monde de cons que vous nous proposez, et puis en plus, vous nous payez comme une misère. Ben, ton boulot, tu le feras tout seul, quoi, en fait. Ouais, après, les gens, ils pleurent, ils disent, oui, personne qui fait mon boulot, du serveur, machin, ben, t'as qu'à bien les payer. Après, moi, j'ai été barman dans les années 80, 90, on était payé à la carotte, c'est-à-dire, on avait un 15% du salaire, enfin du tarif. Ben, on savait que plus on travaillait, plus on gagnait. Là tu sais même pas ça. Tu travailles et puis t'as tes 8 € par de l'heure, quoi, ou 7 €. Ce qui est ridicule, quoi, en fait. Foutage de gueule, quoi, en fait. Ce qui est difficile, c'est que dans ce que tu dis, toi, sur cette question du niveau des salaires, on est sur des mécanismes qu'on contrôle très difficilement. Enfin, il faut, tu vois, après, politiquement, on peut essayer d'avoir une forme d'intervention. C'est juste qu'il y en a qui ont décidé qu'ils paieraient moins les choses. Ouais. On voit bien que les gens se révoltent un petit peu. Bien sûr. Tout le monde, quand tu vois à la télévision, tous les éditorialistes disent « Ah, mais c'est formidable, c'est un scandale qu'on empêche les milliardaires d'être milliardaires. » Mais faudrait empêcher les pauvres d'être pauvres et pas l'inverse, tu vois. On s'en fout, un mec qui a plus de 1 milliard, on devrait lui taxer tout le reste. Il n'a pas besoin du reste. 1 milliard, mais c'est énorme. T'as pas le temps de le dépenser dans ta vie, quoi. Ou alors t'es vraiment con. Et du coup, ça sert à rien. Et puis ça rend les gens malheureux, cons, complètement. Enfin bon, bref, quoi. Je veux dire, faut le partager. D'ailleurs, l'intelligence artificielle qui est gratuite, ils ont posé la question, ils ont fait une réflexion, Elon Musk et 200 scientifiques ont dit oui, c'est un scandale, il faut peut-être arrêter de réfléchir là-dessus et tout. Et je me disais, mais c'est peut-être parce qu'ils ont dû poser la question à l'intelligence artificielle, comment faire pour être encore plus riche. Et l'intelligence artificielle leur a dit, mais il faut que vous partagiez votre pognon, les gars. Oui. Tout simplement. Et du coup, ils ont fait, non. Elle ne marche pas, là, l'intelligence artificielle. Ouais, non, mais derrière, on retrouve la question du partage. Par exemple, quand on parle du... On pourrait aussi envisager une sorte de revenu universel artistique. C'est-à-dire dans le sens où toute personne étant dépositaire en elle, tu vois, d'une volonté... Après, c'est d'expression artistique, peut-être pas. Pourquoi pas ? Mais, pourquoi vois, artistique ouais. Ou autre, tu vois, mais une sorte de revenu universel qui te permet d'avoir accès aux outils d'expression en général, tu vois. Enfin, et de pouvoir aussi, comme tu disais tout à l'heure, nous, on aimerait bien pouvoir vivre de notre art, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai envie de dire que dans les sociétés aussi, ce qu'on appelle les sociétés premières, souvent, déjà, l'art était extrêmement présent dans ces sociétés-là. C'était pas quelque chose qui était détaché de ces sociétés, du fonctionnement global, hein. Et finalement, qui était remis dans le quotidien. Voilà. Il faudrait voir ça avec Bernard Friot. Lui, il parle du revenu universel alimentaire. Ouais, oui, enfin, sur la sécurité sociale. Général, oui, d'accord. Général, ouais. André Gors aussi, hein. Enfin, c'est un peu dans la même mouvance, on va dire. Voilà, eux, ils en parlent beaucoup mieux. Mais en tout cas, puis un revenu universel pour tout le monde, ouais, pourquoi pas, c'est sérieux. Après, c'est aussi, peut-être, histoire de dire, mais peut-être qu'au-delà de la question, tu vois, les problèmes qui sont posés par exemple, les subventions, dans le cadre, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, tu vois, une des possibilités, ce serait pas de déporter un peu le message au niveau politique et de dire, en fait, il faut qu'on se batte tous, une sorte de convergence des luttes, d'ailleurs parce que ça concerne aussi beaucoup le milieu de la recherche, où c'est difficile aussi de dire, moi je vais essayer de faire de la recherche, mais sans être rémunéré, c'est encore plus dur, quoi, j'ai envie de dire. Il y a un truc, dans l'art, c'est assez étrange, en fait, quand on... Dans la société, on parle d'art et de subventions et de dire, c'est l'État qui subventionne. Mais d'une manière générale, les subventions les plus importantes que l'État donne, c'est pas pour l'art. Ah non, oui, on est bien d'accord. C'est pour l'économie. Ou le militaire. Même pas pour l'économie. Oui, pour l'économie au sens large. Les entreprises privées sont financées par l'État, et surtout depuis le Covid. Donc à un moment, on dit oui, là, vous êtes subventionné, mais il n'y a pas que l'art, quoi. Regardez un peu les entreprises qui sont supra-aidées. Là, on parlait de Total qui avait été... qui gagnait un fric fou, mais la CMA, CGM, c'est pareil, c'est pire que ça. Ils ont gagné encore quelques milliards de plus l'année dernière que Total en bénéfice. Et tout ça parce qu'ils ont juste décidé d'augmenter les transports, le tarif des containers. Et du coup, comme ils ont augmenté les tarifs des containers et qu'ils sont quatre dans le monde, les prix ont augmenté, tout simplement, à cause de quatre familles qui jouent jusqu'à... Et après, on te dit, mais l'inflation, c'est compliqué, c'est l'histoire de prix. Non, mais c'est pas compliqué, c'est simple, c'est juste quatre mecs qui décident d'augmenter les tarifs du monde entier, puis du coup, tout le monde répercute ça sur ses propres tarifs. Donc, à un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi, en fait, tu vois. Et c'est là qu'il faudrait, justement, donner des cours pas forcément de théâtre, mais aussi des cours d'économie gratuites, populaires, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, le monde, qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, quoi, en fait, quoi. On pourrait faire une émission radio quotidienne pour expliquer comment ça marche, quoi, parce que c'est vraiment du foutage de gueule, quoi, en fait. Peut-être même se mettre aussi dans une posture de recherche, parce que comment ça marche, des fois on ne sait pas trop, même peut-être les économistes même. Je te dirais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui vont avoir savent, un point de vue. Ils ne veulent pas expliquer, et puis ils flippent, parce que la majorité des économistes, ils se retrouvent dans des situations où ils sont payés par la main qui... tout à fait. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les recherches. D'ailleurs, sur le sujet, il y a un bon ouvrage d'un épistémologue qui s'appelle Paul Feyerabend, qui essayait d'associer la recherche et l'art. Donc, l'ouvrage s'appelle La science en tant qu'art. Voilà. Et ça permet de montrer... dans cet ouvrage, on voit tous les liens qu'il peut y avoir entre deux domaines, finalement, qui sont pas... D'accord. Voilà, ça dérive un peu, mais et si pas on, tant que ça. Pour diffuser un peu, voilà, y a un site qui s'appelle Blast, et blastinfo.com, oui. et qui est un site d'information gratuite, et qui est vraiment très intéressant, et il y a des trucs sur l'art, justement. D'accord. Des petits documents, et franchement, c'est à lire. Denis, un petit mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, mais moi je trouve surtout qu'il faut, si on veut diffuser de l'art, si on veut essayer d'en vivre, moi je rêve de communautés d'artistes qui vivraient dans la montagne, qui travailleraient et qui iraient diffuser dans toute l'Europe leur production dans la rue. Et voilà quoi, voilà comment il faut voir. On lance l'appel. Voilà comment il faut voir l'avenir quoi, parce que se battre aussi contre la société, mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps perdu aussi. Et le temps, on le perd à chaque seconde, quoi. Donc, voilà, quoi. Moi, je pense que la rue, là où il y a du monde, il faut montrer concrètement ce qu'on veut passer comme expression, quoi. Et elle est là. Voilà. Réinvestir la rue, que l'art reprenne sous forme d'éducation, quoi. et puis en vivre aussi, parce qu'il y a toujours des gens intéressés qui soutiendront, qui feront des dons, etc. Donc, faire du spectacle bon. De rue. Alors, lançons un petit appel. Quoi. Voilà, quoi. Demain, tout le monde dans la rue. Et on fait de l'art dans la rue. Exactement. On y croit, gratuit. Et d'ailleurs, on fait un spectacle samedi, qui s'appelle Matin Brun, et c'est dans l'Aude. C'est à Monet. Alors là, c'est pas très loin d'ici. Bon, de toute façon, on regarde sur votre site. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, il est pas marqué cette date. C'est gratuit justement. Bon, c'est, bah super. C'est ça fait plaisir. La médiathèque de Monet. Ah bah ok, d'accord. Hein? Ça s'écrit comment? Monter. Voilà. C'est dans l'Aude. Dans l'Aude. Voilà. Okay. Allez, ben, merci. Donc tous dans la rue pour faire de l'art gratuit. Allez, à plus tard sur Entrée sans payer. Salut. Salut.